Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 27. En ce jour-là, Dieu visitera avec son glaive dur et grand et fort, Léviathan, serpent levier, Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le grand poisson qui est dans la mer. En ce jour-là, la vigne du vin pur le chantera. Moi, le Seigneur qui la garde, je l'arroserai soudain, de peur qu'elle ne soit endommagée. Nuit et jour, je la garde. Je n'ai pas d'indignation. Qui me donnera une épine ou une ronce dans le combat? Je marcherai dessus et j'y mettrai aussi le feu. Ou plutôt, retiendra-t-il ma puissance? Fera-t-il la paix avec moi? Fera-t-il la paix avec moi? Ceux qui entrent impétueusement dans Jacob, Israël fleurira et germera pour eux, et ils rempliront la face du globe de semences. Est-ce que le Seigneur a frappé Israël d'une plaie semblable à celle dont l'a frappé l'ennemi? Ou Israël a-t-il été tué comme le Seigneur a tué ceux qu'il a tués à l'ennemi? C'est avec mesure contre mesure que lorsqu'elle sera rejetée, vous la jugerez. Le Seigneur a médité en son esprit sévère pour le jour d'une chaleur extrême. C'est pourquoi de cette manière sera remise son iniquité à la maison de Jacob. Et tout le fruit de ce châtiment, c'est que son péché soit expié. Lorsqu'Israël aura brisé toutes les pierres de l'autel comme des pierres de chaux, et que ne seront plus debout les bois sacrés et les temples. Car la cité fortifiée sera désolée, la belle ville sera délaissée et abandonnée comme un désert. Là paîtra le veau, et là il se reposera et mangera les sommités de ses rameaux. Ses moissons desséchées seront broyées. Des femmes viendront et l'instruiront, car ce n'est pas un peuple sage. À cause de cela, il n'aura pas pitié de lui celui qui l'a fait, et celui qui l'a formé ne l'épargnera pas. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur frappera, depuis le lit du fleuve jusqu'au torrent de l'Égypte, et vous, vous serez rassemblés un à un, fils d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là qu'on sonnera d'une grande trompette, et ils viendront de la terre des Assyriens ceux qui y étaient perdus, et ceux qui avaient été jetés sur la terre d'Égypte. Et ils adoreront le Seigneur sur la montagne sainte, à Jérusalem. Autrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.